a sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu es tes fourmis, deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Bienvenue sur nos ondes, merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Et bonjour le Québec, bonjour la Suisse, la Belgique et l'Italie. Bonjour la technique, bonjour Marc. Bonjour Gilles. Ça va bien? Très bien, toi. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Et petite nouveauté aujourd'hui, voilà, on a fait un live Facebook. Voilà, j'espère que vous nous voyez. On vous fait un petit coucou. Voilà. Alors pour cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un artiste de notre région, Dominique Walter. Hello. Dominique fête ses 40 ans de carrière et nous fait le plaisir d'être dans nos studios cet après-midi. Avant de rejoindre Dominique, un coucou ma petite équipe au fan club des années bonheur, un petit coucou à mon ami Mado, animatrice sur Radio Puisalène, un petit coucou à Denis et un petit coucou à Emmanuel qui est animatrice sur Radio Love Star. Alors n'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre page Facebook respective, donc Radio Gemozo et Gilles Mougel officiel. Je vous attends nombreux bien sûr aussi au téléphone au 03 29 62 40 40. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou et pourquoi pas interagir avec notre invité, mon invité que je retrouve maintenant. Bonjour Dominique. Hello, bonjour les amis. Comment ça va? Ça va bien, j'ai l'impression. Le sourire, le soleil, tout est en place. Ah, tout est en place, on a le soleil aujourd'hui, c'est formidable. Hein, parfait, c'est vrai que c'est parfait. C'est parfait. Parfait. Alors Dominique, eh ben, je te remercie d'être cet après-midi parmi nous dans nos studios. Mais avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir, voilà. On remerciera Sylvie qui nous a mis un petit peu en contact. Tout à fait. Hein, voilà, une fan voilà, qui, nous a, mis, qui nous a mis en contact. Très, voilà. Très bien. C'est bien, c'est formidable. Elle nous rejoindra peut-être tout à l'heure. On aura un petit peu de monde tout à l'heure, j'espère. Bah, ma foi. Voilà, Dominique. Donc, alors, chose importante, 40 ans de carrière. Oui, 40 ans de chansons, 40 ans de beaucoup de choses en fait, hein, parce que la musique m'a toujours accompagné depuis l'âge de 16 ans. Oui. Et puis, dès mes premières compositions, eh bien, ma foi, j'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir une bonne rencontre avec l'accordéoniste Alberto Garcia de Grand-sur-Bologne. Ah, oui. D'accord. Et celui-ci m'a appris un petit peu les rudiments de la musique, parce qu'il faut bien savoir que je ne connais aucune note. D'accord, tu n'as pas fait de solfège, tu joues à... J'ai essayé d'accord. De faire du... Alberto a essayé de m'apprendre le solfège, mais j'ai une tête de bois, c'est pas rentré. Par contre, j'ai fait quand même... j'ai une très bonne oreille, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir progresser dans toutes mes compositions, et puis dans l'aventure musicale que j'ai jusqu'aujourd'hui. Donc Alberto, effectivement, m'a permis, lui, de rentrer au droit d'auteur. en mettant mes premières compositions. Oui. Quand je faisais des balles avec lui. D'accord. Et puis ces compositions, par contre, n'ont jamais été éditées. Ce sont des chansons qui étaient des petites chansonnettes sympathiques pour l'époque, mais qui aujourd'hui seraient très, très, très, très ringardes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, alors moi, oui. Donc on a passé là-dessus. D'accord. Voilà. Alors moi, je voulais dire pour les notes, pour la guitare, je vais peut-être rebondir sur une petite anecdote. Oui. Pourquoi tu n'as peut-être pas appris le solfège, etc. C'était peut-être parce que tu jouais déjà de la guitare vers 16 ans au lycée de Gérard Mer, oui. Sous les fenêtres des filles. Ah ben ça, oui, ça, je... Bon, ça m'a permis de rebondir. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que bon, ça m'a permis aussi. On ne peut pas tout faire. D'avoir déjà quelques touches au niveau des jeunes Jéromoises. Voilà. Ce qui était pas mal. Et puis voilà, non, mais la guitare et la chanson, ça aide bien. Ça, faut reconnaître pour ça. Oui, hein. Je pense. Hein. Ça aide bien. Après, le résultat, c'est que j'ai appris. Avec des partenaires, des collègues, des duos, des trios, etc., qui étaient des guitaristes aussi, notamment à ce lycée-là, le lycée climatique, comme on l'appelait, de la Haie Griselle à l'époque. Voilà, oui. Et j'ai appris à jouer à plusieurs, à chanter à plusieurs. J'ai fait partie de chorale aussi, ce qui me permet de faire aujourd'hui mes orchestrations tout seul. D'accord. Avec des chœurs, avec des... où je chante à la quinte, à la quarte, sans aucun problème. Ouais, c'est une belle école, là aussi, la chorale. Ah, bien sûr, c'est une très bonne école, surtout pour continuer dans le métier. J'ai commencé à 13 ans, donc j'avais encore la voix qui n'était pas muée, j'étais soprane, ensuite je suis descendu en alti, et puis ensuite je suis descendu en ténor. D'accord, ouais. La basse, non, c'est pas mon registre, mais je reste à une voix quand même correcte, avec 2,5 octaves, et je peux assurer un petit ténor. Voilà. D'accord, c'est vrai, oui, en écoutant, en préparant la playlist, les chansons qu'on écoutera plus tard, bien sûr, j'ai entendu ça, voilà. Donc ça fait quoi quand même 40 ans de carrière de scène, qu'est-ce voilà, que ça fait représente que... Ben, je suis comme toi, avant j'avais des cheveux, c'est tout. Voilà. Là le résultat est que les cheveux sont tombés, mais là, ben, le bonheur d'être sur scène et de pouvoir chanter ses propres chansons et d'avoir dans mes galas ou ceux que je fais avec Claude Vanoni toute la salle qui chante avec moi, c'est quand même pour un chanteur vosgien qui n'est pas beaucoup passé à la télé et... Ah oui. Et j'ai fait bien sûr pas mal de radio, mais pas beaucoup à la télé, sauf France 3 de temps en temps. Mais il faut reconnaître que j'ai grandi tout seul et puis le public, il est là. Voilà, de toute façon, c'est le public qui choisit, il ne faut exactement, pas se leurrer. Hein. Bien sûr, oui, si le public n'est pas là. Et... Mais je veux dire, c'est là pour l'artiste, c'est bien, c'est le bonheur d'être sur scène avec le public. Ah ben oui, moi j'ai toujours c'est adoré ça. C'est ça qui est formidable. J'ai toujours adoré ça. Si je pars en vacances maintenant, bien sûr, avec mon âge, je me permets, et je suis en retraite du textile parce que ça a été mon premier métier. Oui, j'avais vu ça. Maintenant, quand je pars en vacances, je pars 5 mois de vacances, moi. D'accord. Donc, et puis, je travaille le reste. Mais quand je reviens, c'est concentré. Hein. Là, en ce moment, c'est à la bourre, je cours partout. Oui, il y a de travail, de gala, de propositions à faire. Donc, on peut peut-être annoncer le gala donc à Nancy, à la salle Poirel, dimanche, c'est bien ça. Dimanche à 15h. Dimanche à 15h, salle Poirel. Salle Poirel, il faut se dépêcher, il y a encore quelques places. Avec Claude Vanoni. Avec Claude, oui. Avec Claude, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et puis je joue vendredi soir, oui, demain soir, je joue à Port-sur-Saône. Si jamais les ondes vont dans la haute patate. D'accord. Je ne sais pas, il faudrait demander. C'est ça. Ça va jusque-là, mais... Voilà. Pas les ondes, mais sur Internet, oui. Oui, sur Internet, il n'y a pas de problème. Devrait oui, là, ça devrait le faire, bien sûr. Là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on écoutait au Québec, on écoutait en Suisse, en Belgique, en Italie. Bon, je ne connais pas le nombre, mais les retours sur Facebook sont bons. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est bien aussi. Hein. De partir un petit peu à droite, à gauche. Il faut savoir quand même que des Vosgiens expatriés, qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, qui sont n'importe où, bien sûr, m'achètent des CD par correspondance. Ah ok, d'accord. Okay. Donc je suis même surpris parfois qu'un CD que j'ai envoyé en Chine, je reçoive un message par mail après de la personne qui me l'a commandé en me disant « je l'ai reçu au bout de 4 jours ». Ah oui, ok, d'accord. Ça m'épate, parce qu'il y a des fois, pour aller à Herpelmont, ça met 3 semaines. Oui. déjà chez nous pour nous envoyer un courrier des fois de 3-4 jours. Ben oui. Bon, j'ai eu l'occasion de faire des petites commandes sur Internet. Voilà, aux États-Unis. Mmh. C'est vrai que j'ai été surpris. J'ai reçu ma petite commande 8 jours. Quoi, j'avais ma commande. C'est vrai que le monde a bien changé. Le monde a bien changé. C'est plus que ça. Avec les moyens technologiques, hein, c'est formidable. Voilà. Après, il faut gérer. Comme je dis, il faut toujours gérer sur nos pages Facebook, etc. C'est vrai parce qu'il y a des choses des fois qui ne sont pas toujours belles. C'est vrai. Gérons. Donc, Dominique, tu es un enfant du pays. Oui, bien sûr, voilà. Grange-sur-Vologne. Mon quincailleul s'est installé en 1856 et a fondé l'entreprise Walter Seitz. Oui. Une entreprise de textile qui a connu son apogée entre les deux guerres, puisqu'il y avait plus de 1000 personnes comme travailleurs, employés. Ouais, ouais. Et voilà. Et donc, toute cette société-là, comme bien d'autres, ont périclité. Oui. Et le fait est que mon grand-père, quand il a pris sa retraite, a revendu aux frères Viau. Les frères Viau se sont cassés la figure, ça a été revendu à Boussac. Boussac s'est cassé la figure. Donc aujourd'hui, il reste 200 personnes pour une société intimiste. Et voilà. Où est le bon temps? Ah, c'est vrai, où est le bon temps? Oui, oui. Alors, tu commences à travailler en la vie active à quel âge? Disons qu'après avoir chanté à l'internafille, j'en avais un peu marre de faire des études, donc j'ai décidé de rentrer dans l'usine de mon grand-père. D'accord. Et mon grand-père et mon oncle m'ont dit « Bon, tu rentres à l'usine, mais je te préviens, tu passes par tous les trucs, tu seras ouvrier, tu seras... Oui. » etc., etc. Et voilà, j'ai commencé comme ouvrier derrière les métiers. Je suis allé à la filature au Monzay. Je suis allé faire un certain nombre de... J'ai été emballeur pendant 2 ans. J'ai fait des emballages de linge. Et puis, pour finir, je suis rentré au service commercial, puisque comme j'ai une grande blague, on s'est dit « Celui-là, il doit pouvoir servir à quelque chose. » C'est sûr qu'il faut avoir du bagou un petit peu. Il faut avoir du bagou. Ce métier. Et puis ensuite, j'ai continué mon bonhomme de chemin dans le textile en devenant un représentant multicarte et j'ai travaillé sur 14 départements autour des Vosges. C'était ma carrière textile. Alors, est-ce que c'est un rapport, peut-être avec une chanson qu'on écoutera tout à l'heure, avec ce titre, Le Coton? Bien sûr. Le Coton. J'ai parlé, j'ai mis mes mots sur la chanson de Pierre Bachelet. Et donc, si on veut, c'est une chanson qui donne de l'émotion aux gens qui sont dans la salle, parce que ceux qui ont fait partie de cette grande épopée du textile encore dans les années 75, 80, 90, et ils se rappellent du bon temps. Bien sûr. Là où on avait du travail. J'ai voulu rendre hommage au textile vosgien par ce biais de cette chanson. Il y a encore de belles choses, je dirais, sur Gérard Armé. J'ai des projets d'ailleurs avec plusieurs sociétés textiles des Vosges pour faire des chansons sur leur métier, des chansons positives, etc. Donc c'est en cours. C'est en cours. Ok, voilà. Dominique. Alors moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite balade. Bien sûr. Ensemble. Baladons-nous, il fait beau. On va se balader, il fait beau. Et on va faire une petite balade, donc, en Dufaux. C'est parti. Quand j'ai eu mon permis, bien sûr j'étais heureux. J'achète une 2 chevaux d'occasion, elle était toute bleue. J'ouvrais grand la capote quand le soleil brillait. Je frimais devant mes potes et toutes les filles tombaient. Les filles, parlons-en sur la banquette arrière, avec les tubes de ferraille qui te rentraient dans le derrière. Obligé d'ouvrir en grand les portes pour que les gens me dépassent. Il en fallait du courage pour que la bourse fasse. 2 chevaux, pour moi c'était la reine des autos. La chantant Charleston était le roi du pétrole. Pour moi c'était la reine des autos. Quand j'allais au Lido danser et draguer, j'emmenais plein de copains, on ne faisait que de chanter. Avec l'autoradio à fond, mais on n'entendait rien. Et ça secouait fort, mais ça secouait bien. L'embraye a cache toujours patiner dans le col du bonhomme. Pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour jeter les trognons de pommes, car la route défilait en dessous des passagers. À dos les têtes pourries et ça donnait de l'air frais. Deux chevaux, pour moi c'était la reine des autos. La chantant Charleston, était le roi du pétrole. Pour moi, c'était la reine des autos. Ouais. Et fallait voir l'hiver sur les routes toutes enneigées. Elle passait partout, même devant les BMW. Quand j'allais au ski le dimanche, je grimpais à la Moselle. Et je dépassais les tours et ce qui mettait les chaînes. Et ces sacrés essuie-glaces qui prenaient tout leur temps. Fallait pas avoir envie de sortir par mauvais temps. Moins vite tu roulais, moins vite il balayait. Et si d'un coup t'avançais, c'est que la pluie cessait. De chevaux, pour moi c'était la reine des autos. La chantant Charleston était le roi du pétrole. Pour moi c'était la reine des autos. Deux chevaux, pour moi c'était la reine des autos. La chantant Charleston était le roi du pétrole. Pour moi, c'était la reine des autos. Ouais. Voilà. Sur un petit Charleston, je pense que je ne me trompe pas. Hein. Ah oui, on vient d'à côté, donc bah, là, complètement. Deux chevaux, la deux chevaux c'est Charleston. Sur une Charleston. Voilà. Ouais, c'est alors, tu as eu une deux chevaux, Dominique? Non, je n'en ai pas eu. J'ai eu une R6. T'as eu une R6, ah, oui, d'accord. R6. C'est vrai que sur ces petites voitures, à l'époque. C'était pas toujours facile de... Bon... Bah, mais non, mais c'était pas facile du tout. C'était pas facile, hein, c'était pas... Non, c'était une catastrophe, ce truc-là. Oui, c'est vrai que... Un remède contre l'amour. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, bon, là, c'est vrai que la Dodge, quand même, c'est devenu une voiture... Ah ben, c'est mythique. C'est mythique, hein, c'est vrai. Et puis, bah, puis, oui. Puis d'autres voitures, bien sûr. Alors, Dominique, bien sûr, t'es auteur-compositeur. Oui. Interprète, bien sûr. Bah oui. Mais tu écris, tu composes toutes tes chansons. Oui, toutes tes chansons. Ouais, bah, non, mais je sais pas parce que des fois, alors, il y a des fois quelques personnes, des fois qui interviennent, tu sais. Sur, oui, sur, très rarement. Très rarement. J'ai très rarement. La plupart du temps, j'ai fait en tout et pour tout 117 chansons. Oui. Sur les 117, il y a 4, je crois, il y a 4 chansons qui doivent être des parodies. Les Vosgiennes, le ciel, le soleil et Germaine, et je sais plus, enfin bon, et puis le coton, et puis oui. Encore une quatrième. Donc il y a 4 chansons qui sont des parodies, et le reste, j'ai mon petit frère qui m'en a écrit 3. J'ai bien aimé les paroles qu'il avait faites, donc il y a 3 chansons qui sont sorties sur mon avant-dernier album où il a participé. Et le 6e ou 7e album, je crois qu'il y a une autre personne, M. Witzel, qui a 2 ou 3 chansons qu'il a écrites. Là, j'étais en panne. En panne un petit peu d'inspiration. J'étais en panne, par contre, pour la musique, ça allait, mais j'étais en panne. D'accord. Mais là, autrement, bah, donc ça réduit quand même. Puis tout le reste, bah, c'est moi qui l'ai fait, oui, de A jusqu'à Z. Mais je fais aussi de la musique classique, je fais plein de choses. D'accord, oui. Ouais. C'est quand même assez impressionnant, quand même, tout ce que tu as fait. Enfin, je veux dire, ça commence à faire. Hein, c'est vrai que, voilà, des CD. Donc, il y a eu la petite mini-cassette en 84. Ça, c'était, on avait encore la petite mini-cassette. Oui. Pour mettre dans la deux chevaux. Par exemple. Mais j'ai eu un fan qui m'en a ramené une fois. Ah oui, d'accord. Il l'a trouvé sur une brocante ou dans un vide-grenier, peu importe. Ah oui, d'accord, il l'a trouvé, il l'a acheté tout de suite, il a demandé que je vienne lui faire une dédicace. Ah ouais, je lui ai dit, alors je suis content d'en voir une, parce que alors là... Oui, c'est vrai que... alors c'était sympa la musique cassette, c'était, oui, oui, c'était pas mal. Alors comme je disais, en voiture par contre, des fois bon, on retirait la petite cassette, puis ruban qui... fallait voir un crayon. Il fallait voir un crayon voilà, pour embobiner. C'est vrai. Alors Dominique, la carrière, je veux dire, vraiment le début, ça commence vraiment le... C'est vraiment en pointillé. Ouais, comme c'est venu tout doucement. J'ai parlé d'Alberto Garcia au départ. Ah, oui, après, j'ai fait mes chansons. Mais comme on n'avait pas le réseau Internet à l'époque, bah, ma foi, ça restait extrêmement confidentiel. Gérard May, Grange-sur-Vologne, Saint-Dié, voilà, la vallée de la Meurthe, un petit peu Lunéville. Enfin, c'était vraiment très, très, très petit. D'accord. Puis après, arrivé Internet. Oui, ben oui. Là, ça a tout changé. Là, ça a tout changé. Alors là, ça a tout changé. Parce que j'ai un de mes clients à l'époque en textile qui était un webmaster et qui m'a fait mon premier site. Premier site. Et c'était un site marchand et j'ai commencé à vendre des CD. Mais ça, c'est allé très vite. Oui, oui. Puis les Vosgiennes, j'ai vendu des t-shirts, j'ai vendu des tas de trucs avec les Vosgiennes. Des petits objets. Voilà. Et puis je suis encore étonné aujourd'hui que des sonneries de téléphone fonctionnent et puis c'est la sonnerie des Vosgiennes, c'est la sonnerie d'une autre de mes chansons. C'est quand même quelque chose. Oui, bien sûr. Ça fait plaisir. C'est gravé, quoi. Hein. On peut dire que c'est gravé. Ouais. Et puis, tout ça, on va l'écouter, bien sûr. Hein. Ouais, faut bien rigoler un peu. Hein. Il faut bien rigoler un peu, puis ça nous rappellera un peu la deux choses. Ah oui. Alors voilà, donc... Oui, puis ensuite, ça s'est développé, comme je dis, avec Internet, et puis les spectacles sont arrivés, etc., les demandes et tout. Et il a fallu que je mette sur pied un certain nombre un concept de spectacle en one-man show, comme on fait en général quand on est humoriste et chanteur. Mmh. Donc, en panachant, à l'époque, je faisais une chanson avec un thème... Oui. Et puis je faisais le sketch derrière, amusant, avec le même thème que la chanson. Et j'ai fait ça pendant un paquet d'années. D'accord. Alors, en écoutant quand même un peu ce que tu m'avais envoyé, pour la playlist, t'as quand même un univers country. Je pense que tu aimes bien la country. Alors, j'aime bien la country. En fait, j'aime bien. J'aime bien les. J'aurais aimé. Vivre dans les années 50 aux États-Unis, ça c'est mon truc. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, la country, j'aime bien le blues, j'aime bien le rock, j'aime bien toutes ces chansons-là, toutes ces humeurs-là, j'aime bien. D'accord, ouais. Après, il faut dire que la country, ça n'a jamais été à la mode en France. Mais moi, je continue à en faire. J'ai continué à en jouer, à en chanter, à imaginer des paroles là-dessus. Ouais. Et le plaisir est venu avec ça, mais je joue. Moi, ma grosse perte des temps derniers, c'est Johnny Hallyday. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est vraiment la grosse perte. Bien sûr. J'ai du mal à m'en remettre. Bien sûr. C'est... Et son dernier album, je trouve, qui était magnifique. Oui, il est magnifique. Moi, j'avais moins accroché sur les albums précédents. Mais son album, le tout dernier, malheureusement, là, il y a du rock, il y a du blues. Il y a du blues, oui. Il y a du blues, il y a du rock. Il y a des très belles balades, il y a tout ce qu'il faut. Et puis donc. Et puis voilà, quoi, je veux dire, là, c'est vraiment un bel album. Hein. Oui, oui. Alors voilà, il y a une fan qui nous a rejoint. Eh ben, c'est bien, bienvenue. Voilà. Bonjour Sylvie, merci. Alors tu peux t'installer par là si tu veux. Attends, voilà. on va pas. Bonjour Sylvie, voilà qui est fait. Bonjour. Alors on va écouter, si tu veux bien Dominique, justement, si je chante de la country. Eh ben c'est parti. Ça sera formidable, voilà. Voilà. Si je chante de la country, c'est pour faire fuir la pluie, pour souffler sur des nuages d'orage, pour braver le mauvais sort, et puis pour aimer plus fort, pour terminer sous un soleil d'or. Et si je chante de la country, c'est bien sûr pour les amis. Ça fait taper dans les mains et c'est trop bien. Pour le sourire des belles filles et leur poitrine qui frétille, va sous la pleine lune flécher les sourcils. Je n'ai pas fini de rythmer mes coups. Je n'ai pas fini de vibrer de partout. Faudra pleurer pour que je m'arrête et que reviennent toutes sortes de tempêtes. Chante avec moi, America. français, ça te changera. Je veux pas refaire le monde, il n'attend rien de moi. Oublie ta baby blonde, elle n'est pas là. Danse avec moi, America. De la country à la française, ça te changera. Y'a pas de cow-boy dans le coin, mais des vaches y'en a plein. Oublie ta baby brune, elle est trop loin. Moi quand je chante de la country, jusqu'à plus soif dans la nuit, je m'endors comme un bébé avec ma baby. Et je me réveille étonné avec les Santiago à mes pieds et ma guitare qui m'a pas lâché. J'ai pas fini de rythmer mes coups, je n'ai pas fini de vibrer partout. Faudra pleurer pour que je m'arrête et que reviennent toutes sortes de tempêtes. Chante avec moi, America. Même en français, ça te changera. Je veux pas refaire le monde, il n'attend rien de moi. Danse avec moi, America. De la country à la française, ça te changera. Y'a pas de cow-boy dans le coin, mais des vaches y'en a plein. Oublie ta baby brune, elle est trop loin. Chante avec moi, America. Même en français, ça te changera. Non, je veux pas refaire le monde. Yes. Voilà, si je chante de la country, Dominique Walter sur les ondes de Radio Gamozo cet après-midi dans les années bonheur. Voilà Dominique, oui. On vient d'écouter cet air de country là, ça, c'est bien. Ben, disons ça que la bien. Country, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui me marque, d'autant plus que je suis parti déjà 6 fois aux États-Unis dans le Middle West. Oui. Je vais faire là-bas un peu de cheval, je vais visiter, je vais dans les grands, espaces et cette chanson, je me demande si c'est cette chanson-là. J'ai fait un clip que j'ai tourné aux États-Unis, mais je crois que ça doit être celui-là. Et il est tourné dans les grands parcs américains. Oui. Et dans un endroit qui est absolument magnifique, qui s'appelle Bryce Canyon. C'est des cheminées de fées. Alors évidemment, les États-Unis, par rapport à nous, on va aller aux ocres du Roussillon, on va voir les ocres du Roussillon, c'est beau, etc. Bah, vous multipliez par 10 000 vous avez Bryce Canyon. D'accord, et, c'est quelques photos que j'ai vues sur ton Facebook, C'est bien ça. Et donc, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle on peut voir si je chante de la country, tourner là-bas. Ah ouais, c'est chouette. Okay. Voilà. Mm-hmm. Il y a une photo où que j'ai vue sur ton Facebook aussi. D'y voir. J'ai été fouillé un petit peu. Bah oui, il est là pour ça. Hein. Et puis, où je t'envie, je vais te dire pourquoi, parce que je ne sais pas si tu... Je pense que tu étais peut-être dans un café, je ne sais pas, il y a plein de photos d'Elvis Presley. Je ne sais pas si tu vois, non. Ou alors c'était une boutique ou je ne sais pas. Je ne suis pas avec Claude Vanoni. Non, tu es tout seul. Il me semble que tu es tout seul. C'est possible. Chercherai aussi, moi. Parce qu'à force d'en mettre sur Facebook, je les oublie, moi. Non, je rebondis là-dessus, c'est parce que je suis un grand fan d'Elvis. C'est pour t'as bien raison. Je voyais plein de photos. Et l'année prochaine, je pars un mois aux États-Unis et je compte aller sur la tombe d'Elvis Presley. Voilà. Oh, alors je sens qu'on va faire des affaires tous les deux. Voilà. Je sens qu'il faudrait qu'on se voit. Je vais faire plusieurs choses. En aparté. Je vais faire ça. Je vais, sur le Mississippi, faire jouer du jazz avec les jazzmen. Ouais. Et je vais faire de la musique cajun avec les cajuns, les français de là-bas. D'accord, voilà. D'accord, ok. J'ai un programme très chargé. Tu prends un petit peu le petit accent, là, un petit peu. Donc, il faut, hein, parce qu'avec les cajuns... Bon, on a une Québécoise qui nous écoute, là. Moi, je vais au Québec quand tu es invité. Je viens quand on veut. Elle nous voit là sur le. Parce que tu peux faire coucou. Claude Vadoni et moi-même sommes très intéressés pour aller tourner au Québec. Je suis sûr que ça plairait aux Québécois. Ok, ok. Qu'on se le dise. Voilà. C'est dit comme ça, c'est passé. Mais bon, je pense qu'il faudra qu'on se revoie, que je fasse une petite liste. À la limite, si tu peux me ramener quelque chose. Bien sûr. On verra. On s'organise. On s'organise, voilà. On s'organise. Alors, dis-moi, Dominique, donc les enregistrements de tes CD, pardon, excusez-moi, ça se passe où? Ça se passe dans quel studio? Ah, mais moi j'ai un studio d'enregistrement depuis. Alberto avait un studio d'enregistrement pour son accordéon. Il m'en a revendu un quand il a changé, il m'en a revendu un deuxième quand il a changé, il m'en a vendu un troisième quand. Hein. À l'époque, c'était des 8 pistes avec des énormes bandes comme ça. Ah oui, on appelle ça aussi les Revox. Enfin, Revox. Oui, c'était un Revox. C'était un Revox. Avec des tables de mixage grandes comme ça. Maintenant, j'ai un truc grand comme ça. Et puis avec un très bon micro, avec des orchestrations que je prépare en amont sur soit la guitare, etc. Et c'est de la programmation. Il faut être un petit peu informaticien à sa même ère. Informaticien aussi. En même temps, oui. Et donc on fait tout ça et ensuite on met tout ça dans la machine, on mixe et puis on sort les chansons. C'est un métier. Oui, c'est de la post-synchro. C'est un métier. Mais bon, voilà. Oui, je fais tout moi-même maintenant ou avec des amis qui sont là pour m'aider aussi. C'est bien. Donc tu te produis toi-même, je veux dire, tu n'as pas de producteur au-dessus de toi. C'est une association que j'ai faite il y a 30 ans, oui. D'accord. Qui gère tout ça. Tout à fait. Voilà. Ok. C'est de la autoproduction, comme on appelle. D'accord. Alors nous sommes dans les Vosges. Oui, pareil. On est pareil. N'est-ce pas, Sylvie? Nous sommes dans les Vosges, voilà. Alors, on va écouter cette chanson qui s'intitule « Les Vosges ». Et qui fait l'ouverture de tous les spectacles que je fais avec Claude Vadoni. Okay. D'accord. Voilà. Alors, on écoute « Les Vosges » et on en reparle après. C'est la valse du temps qui rend l'herbe si verte. Quand arrive le printemps sur les vallées ouvertes, ne freinez pas l'envie de courir les chemins la nature repose. Les couleurs une à une viennent égayer la terre, se reflètent dans l'eau des lacs et des rivières. Ce pays en osmose, c'est les Vosges. Et la montagne est là, arrondie par les siècles. Les dieux l'ont trop aimée et bien usée. Peut-être d'autres sont morts pour elle, comme une femme trop belle, jalousée de querelles. C'est la valse du temps qui fait pousser les fleurs sous le soleil qui danse tout l'été dans les cœurs. Des milliers d'amoureux viennent de tous les pays pour vivre quelque chose. Et les hommes dans les champs recueillent le fruit de la terre jusqu'à la fin du jour dans la douce lumière. Sous le ciel rouge et rose, c'est les Vosges. Et la montagne est là, arrondie par les siècles. Les dieux l'ont trop aimée et bien usée. Peut-être d'autres sont morts pour elle, comme une femme trop belle, jalousée de querelle. C'est la valse du temps qui parfois est cruelle. Elle enlève la vie en la rendant plus belle. C'est la dernière fête avant le grand sommeil. Il faut prendre la pause. De partout à la fois se réveillent les couleurs. L'automne rougit, jaunit, mais l'automne se marre. Ce spectacle grandiose, c'est les Vosges. Thank you. la valse de l'hiver, dans les tourbillons blancs, sous les gros pulls verts, on regarde en flânant cette nature pétrifiée par la neige et le gel et la bise qui ose. On ne voit plus de terre sur cette montagne blanche, au sapin plus de vert, mais les branches qui penchent, tout un monde se repose dans les Vosges. Voilà les Vosges, une belle région. Bah oui, hein. on y est bien. On y est bien. Il y a des balades à faire, il y a le printemps dans la tête. Le printemps dans la tête. J'en vois un qui est en train de germer. Là. Ah, c'est vrai, il y a des belles balades à faire. C'est une belle région en été comme en hiver, bien sûr, puisque bon, voilà. Et la chanson des Vosges, il y a un clip que l'on voit aussi sur ma chaîne YouTube, qui est à regarder, même là-bas, hein, chez vous, là-bas, en Suisse ou à Québec, il faut aller voir les clips sur ma chaîne YouTube. J'ai presque... Je crois que j'ai passé 500 000 visites. Ah oui, oui, quand même. Ah, oui, c'est pour un petit Vosgien, c'est pas mal, non? Oh, c'est pas mal, quand même. Hein. C'est bien, merci. C'est bien, oui. Oui, alors on va parler aussi, on va peut-être attendre un petit peu, 16h36, oui, on a encore le temps, je voulais dire, bon, de la rencontre avec Claude, bien sûr, on en reparlera un petit peu. On en parle quand on veut. On en parle quand on veut, allons-y, on va en parler, donc la rencontre avec Claude se fait à quel moment, Dominique? Claude passe à la MCL, il y a une quinzaine d'années maintenant, peut-être un peu plus. Enfin, il est repassé, moi je suis passé avec lui depuis. Hein. Oui, mais bon, c'était à la Maison de la Culture de Gérardmer. Oui. Et moi, ça faisait 25 ans que je n'avais pas vu. Je me rappelle, je l'avais vu à Granges-sur-Vologne, dans la salle des fêtes. Et je suis arrivé un peu tard et j'étais contre la porte de la salle des fêtes, tellement c'était blindé de monde. Je me suis bidonné. Et puis voilà, le temps passe, puis moi avec mon métier où je suis par Mons et par Vaud, je ne l'ai pas revu depuis. D'accord. Ouais. Je vais à la Maison de la Culture, j'avais acheté les places, je m'installe et je me bidonne. Mais quand moi je ris. Oui. Je veux dire, je ne suis pas là pour... me fait marrer, je ris. Je suis allé voir Jean-Phi à Remiremont. Ah oui, Jean-Phi, oui, mais ça fait du bien. Voilà, ah. Je suis allé voir Jean-Phi à Remiremont la dernière fois, il y a 15 jours. Au Palais des Congrès. Parce que c'est un gars qui nous produit, Claude et moi, quand on fait des tournées et qui nous avait invités. Je me suis bidonné. Les gens se retournent en regardant. Donc c'était le même cas pour Claude la première fois. Les gens se retournent en disant : qui c'est ce fou là ? Eh bien, c'est moi. Et je rigole. Et à la fin du spectacle, il y a une dame à côté de moi qui dit, on peut dire, au moins vous, ça vous a plu. Hein. Voilà, oui. Eh bien, c'était son épouse. D'accord. Ah, c'était son épouse. C'était Lily, son épouse. D'accord. Et résultat, elle m'a dit, faut absolument... Ah, mais Dominique Walter, mais oui, vous faites de la musique, etc. Bref, faut absolument qu'on... On m'a invité à manger. Oui. Et puis, on s'est liés d'amitié. Et j'ai fait une chanson sur Claude, peut-être 2 ans après. Oui. J'ai fait une petite chanson sur Claude. D'accord. Qui s'appelle Vanoni. Vanoni. Voilà. Et cette chanson-là, quand je l'ai chantée en direct à la guitare à Claude, il était tout ému. D'accord. Il m'a dit, mais c'est exactement... Mais c'est moi, ça. C'est moi, tout ça. D'accord. Voilà. Alors, on avait fait un ou deux spectacles où j'avais, avec lui, où je jouais en première partie, mon spectacle, et je venais après comme vedette principale. Et puis, finalement, il a dit, mais on va intégrer tout ça, on va faire tout ça. Et puis, il m'a dit aussi, tiens, un soir, on s'était bien amusé, on avait bien rigolé, et il me dit, je vais sortir mon harmonica. Bon, si tu veux. Et il joue comme ça, de l'harmonica. Il joue vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Donc, il jouait super bien de l'harmonica. Et je dis, attends, on va jouer des morceaux, On s'est retrouvés l'été chez lui, à Pézenas. Et puis, le soir, au clair de lune, je dis, tiens, on va faire une liste de morceaux qu'on pourrait jouer en spectacle, pour terminer. Ouais. Et puis, on fait les grandes gueules. Si on veut jouer de l'harmonica, on peut tenir facilement 3 quarts d'heure, Claude et moi. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais on a réduit à 4, voire 5 morceaux, dont les grandes gueules. parce que c'est, ça fait partie, oui, de, ça fait partie de chez nous, de quand chez nous, même, forcément, le, les grandes gueules, ce film là, on, oui, on joue Susanna des États-Unis parce qu'il va très très vite, c'est un morceau extrêmement technique et il le maîtrise très très bien. C'était le même Susanna, c'est ça? Non, non, ah ok, d'accord. C'est ça, etc. On a fait Kisora à une époque, voilà, donc on joue quand même un certain nombre de morceaux comme ça, et il m'a dit on va intégrer tout ça. Et puis on a refait notre organisation de spectacle une fois, deux fois, pour la première, pour le premier Olympia avec lui. Oui. Une deuxième fois, on a remanié tout ça pour refaire le deuxième Olympia. Et puis, voilà. Donc, ça faisait quand même des spectacles qui duraient 3 heures à l'époque. Ah oui, effectivement. Oui, et maintenant, on a réduit. On a dit, maintenant, on met 2h40. D'accord. Moi, j'ai enlevé une ou deux chansons, et lui, il a enlevé un ou deux sketchs. D'accord, voilà. Alors, l'Olympia, quand même, c'est une belle grande salle mythique, on va dire. Belle aventure. Ah, c'est vrai, belle aventure. Je pense. Ça fait quoi? Pareil, quelles sont les impressions quand tu es à l'Olympia? Enfin, je sais pas, pour toi. C'est honorifique. C'est honorifique. Faut dire, mais on avait fait peut-être... avant de faire l'Olympia, on avait fait peut-être 30 salles, 30, 40 salles, je ne sais plus. On avait notre spectacle au bout des doigts. Oui. On le faisait d'une manière mécanique, j'allais dire. Tellement on le connaissait par cœur. Parce que nous, on n'a pas des prompteurs, comme à la télé, ils ont tous des prompteurs et tout. Vrai, ouais. Nous, on n'a rien. On travaille à l'ancienne. Voilà. Avec le ciboulot qui marche. Bon. On a fait le premier Olympia, mais les doigts dans le nez parce que c'était trop simple. Et il faut savoir une chose, surtout en ce qui me concerne, Claude moins. Mais moi, il a fallu que je le fasse connaître auprès du public de Claude. Ah oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, donc, oui. Quand Claude Vanoni, d'ailleurs, il n'y a que lui sur l'affiche. Les gens savent que je suis là aussi. Oui, mais oui. On ne laisse que lui. C'est lui, la vedette du coin. D'accord. Moi, je viens et je suis le bonus. D'accord. Voilà, je suis le beurre dans les haricots. D'accord. Bon. Et donc, dans les épinards. Dans les épinards, je ne voulais pas le dire, mais... Je ne voulais pas le dire, parce qu'après, on va te prendre pour Popeye. Et alors... Et donc, en fait, on a vraiment le spectacle au bout des doigts. Donc, on l'a sorti à l'Olympia d'une manière sans problème, sans stress. D'accord. Il faut savoir que Claude et moi, on fait les imbéciles derrière le rideau avant de rentrer sur scène. Il y en a qui sont stressés, qui sont là, concentrés, qui ont peur. Nous, ce qu'on a peur, c'est que la guitare... Et une panne. Qu'il y a une panne technique à droite, à gauche d'un micro. C'est ça qu'on a peur. Mais de nous, non. On envoie très facilement tout ce qu'on a à dire. Oui, bien sûr. Okay. Et on en rajoute et on en réinvente. Voilà. On en invente même comme ça, d'improvisation peut-être des fois un petit peu sur scène aussi. Comme dit justement Claude, c'est toujours le même spectacle sans être jamais la même chose. Sans être la même chose, oui, voilà. J'ai déjà entendu dire ça, c'est vrai, sur d'autres ondes. Alors, peut-être une petite anecdote, Dominique, sur ces spectacles. Alors, il y en a plusieurs. Je suis en train de regarder... L'Olympia, il y en a eu. L'Olympia. C'est le deuxième Olympia. Le deuxième Olympia. Les deux fils de Claude Vanoni chauffent la salle, parce que Bruno, qui a tourné avec Claude autrefois... Ouais. Et est un chauffeur de salle maintenant chez Nagui. Ah oui, d'accord, chez Nagui, d'accord. Et quand on a fait le deuxième Olympia, on faisait quand même les 80 ans de Claude. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait une chose très simple. Moi, je me mets derrière le rideau, je prépare ma guitare, je vérifie mon accordage, etc. Pendant, de l'autre côté du fameux rideau rouge de l'Olympia, il y a les deux fils... De Claude. Qui chauffe la salle. Hey, madame, allez, reprenez une chanson, vous connaissez. Hein, il chauffe la salle qui arrive, les gens s'installent, etc. Seulement, il faut savoir que les rideaux, bon, là, ça va pour ceux qui regardent sur Facebook, mais les rideaux à l'Olympia, ils sont engrangés comme ça, c'est-à-dire que vous avez à peu près 1,50 m d'un rideau sur l'autre, mais tout collé. Véritablement collé. Et voilà qu'il cherche à sortir une fois que la salle est prête, en disant, maintenant, place au spectacle, et en première partie, vous allez avoir quelques chansons de Dominique Walter. Et il tape dans le rideau, et moi j'étais derrière, j'ai failli me prendre une baffe dans la figure juste avant de rentrer sur scène. Voilà, ça c'est clair. Okay. Alors je me suis écarté, j'ai ouvert les rideaux en disant, c'est par là. Alors, je pense que du fait des sketchs de Claude, oui, bien sûr, où on rit beaucoup, Moi, j'ai eu l'occasion de le voir, mais il y a très longtemps. Oui. Bien sûr, on rit beaucoup. Toi, avec ton registre, Dominique, je pense que voilà, tu dis, il n'y a pas de stress, mais je pense que voilà, ça fait aussi que ça il n'y a pas de stress. Je veux dire. D'y voir, parce déjà que là, tu merdouilles un peu, là. Là, il merdouille complètement dans son interview. Je veux dire, mais du fait déjà que c'est, bon, c'est du rire, déjà. Donc, vous arrivez, vous êtes... Ah, je reprends justement ce que je disais tout à l'heure. J'ai oublié de terminer. Ouais, non, quand on fait l'Olympia, les gens, ils viennent nous voir. Oui. Donc, moi, ce que je disais tout à l'heure, que je n'ai pas fini parce que je suis parti sur des bêtises, ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Quand moi, au début, j'ai démarré avec Claude, il fallait que je m'approprie le public. Il y avait des tas de gens qui ne me connaissaient pas, qui disaient c'est qui c'est ce gars, qui arrive, qui chante, etc. Bon, deuxième partie, je viens chanter. Troisième partie, les gens, des gros applaudissements, le bonheur avec l'harmonica de Claude et tout. Oui, oui. Donc, ça y est, c'est gagné. Et à chaque fois, c'était comme ça. À l'Olympia, c'est pas pareil, parce que les gens, ils nous connaissent tous les deux. Ouais. Donc ils viennent nous voir. Ouais. C'est eux qui viennent nous voir. J'ai personne à apprivoiser. D'accord. Ouais, ils arrivent de partout. Ils arrivent de Bretagne. Ils arrivent du Sud-Ouest. Ils arrivent bien sûr de la grande région Est. Oui. Ils arrivent de partout. D'accord. Et c'est le rideau s'ouvre et puis d'un seul coup, les gens me reconnaissent et chantent mes chansons comme je l'expliquais. Quand vous avez quand même 2000 personnes qui chantent vos chansons. Oui. Bah hey. Faut s'accrocher, hein. Oui, bien sûr. Parce que ça fait un souffle quand même, bien hein. Sûr, ouais. Et puis des applaudissements nourris, etc. Non, c'est. Je dois reconnaître que, au fur et à mesure des 12 ans que j'ai passé avec Claude, je me suis approprié une partie de son public. Il y aura toujours des gens qui aiment pas ce que je fais, et c'est bien normal. Oui. Hein. Mais d'un autre côté, je me suis quand même approprié une grosse partie, du public et qui apprécie mes chansons. Et voilà, puis ça alors, se ressent dans tout le public, c'est quel l'âge moyen du public Bon, il y a tous les âges. Alors, il y a de plus en plus de tous les âges. Ouais. Il y a justement une anecdote là-dessus. Ouais. Ah, bon oui, une anecdote. C'est-à-dire qu'avec Claude, on est en train de se préparer, de s'habiller. Bref, on se prépare pour monter sur scène. Je ne sais plus dans quelle scène Claude le sort. Rappelle lui. Et je lui dis, tu sais, Claude, aujourd'hui, on peut dire que dans le comique, dans l'humoriste, dans le conteur, tu es le Johnny Hallyday qui est à la musique. Parce oui. que tu as des tas de gens qui sont, comment je veux dire, à des âges différents et à des, et à des générations différentes voilà, qui viennent te voir. On a des jeunes dans la salle. Et il faut le savoir, on a des jeunes, on a des gens de 20, 40, 60. Oui, bien sûr. Et bien sûr, jusqu'à ce qu'on peut tenir le coup. Bien sûr, bon, voilà, ouais, parce qu'il y a eu les parents. Il y a toutes les références. Voilà, il y a eu les grands-parents, les alors, parents, les enfants qui ont suivi. Exactement. Et puis voilà, c'est ça qui... Alors moi, je lui dis ça. Puis après, je rentre sur scène, je chante ma première chanson, ma deuxième chanson. Et à la troisième, je dis, eh bien, mesdames et messieurs, maintenant, il est temps d'accueillir Johnny Hallyday. D'accord. Et je vois mon Claude alors, avec les sabots à la main qui fait, non, non. Ça devait être terrible, ça, quand même. Hein. On était écroulés de rire. Écroulés de rire. Voilà, oui, oui. Et les gens, ils croyaient que c'était dans le spectacle. Oui, oui, oui. Mais c'était simplement parce que moi, j'étais parti dans mon délire que d'accord, j'avais raconté ouais. avant, quoi. Voilà. Alors, Dominique, moi, ce que je te propose, c'est qu'on écoute cette chanson que tu as écrite, donc, Vanoni. Oui, avec on plaisir. Écoute. Allez, ouais, roule, on roule. Écoute. Ouais. Derrière le rideau et son public l'attend, car avec lui on va pouvoir se prendre du bon temps, repartir dans le passé, se changer les idées. Il dit lui-même que c'est mieux que la télé. Oui, c'est un personnage qui en vaut la peine, c'est vrai, tout droit issu de la montagne vosgienne. Il joue avec les mots, dandine sur ses sabots, son gilet en peau de vache sur le dos. Chapeau. Si vous le voyez, faut lui demander. Hey, comment va Noni? Hey, très bien, merci. Mais c'est pas Dieu possible avec toutes ces mimiques magiques, sourire jusqu'aux oreilles, moustache élastique. pitch. Attends donc que je t'en cause, il va t'en faire de la prose. Tiens, v'là les touristes qui viennent dans les Vosges. Il s'en va leur donner les poules à traire. Ça fout de faire. En bus, visite guidée avec sa mère. Chez Albert. Chez nous, on a tant pété. Si le bon Dieu le voyait, du haut de ses nuages, il s'écroulerait. De rire. Si vous le voyez, faut lui demander. Hey, comment va Noni? Hey, très bien, merci. Il compte et il raconte tout ce qu'il entend. Mon Dieu, il te transforme tout ça pour faire rire les gens. Sérieux? La sécheresse, les canards, en passant par le corbillard, et te met les parigots dans de la propos. Camille, Félicie, Guiguite et Maria et Brutus sont connus de Gérard May à l'Olympia. C'est par là l'Olympia. L'ordinateur en panne a besoin d'une grève d'organes. Olé, olé, le snack born est lancé. Et il ne peut plus s'arrêter. Si vous le voyez, faut lui demander. Hey, comment va Noni? Très bien, merci. Et si vous le revoyez, faut lui redemander. Hey, comment va Noni? Très bien, merci. Bon, mais bien la chanson là. J'ai même chanté, dis donc. Elle est bien la chanson là. Voilà, Vanoni. Oui. Ah, une belle chanson pour Claude, voilà. C'est voilà, vrai, c'est tout à fait. Tout à fait lui quoi. C'est oui, vrai oui, à oui. La fin, j'aime bien bon, son petit. C'est vrai que. Son petit Laïus. Son voilà. Petit Laïus, ah, ouais, c'est bien. Bon, ben, elle est bien la chanson là. Elle est bien la chanson. Alors, moi, je me souviens de ces sketchs. Bon, j'étais gamin. Bon, on a de première jeunesse. Je me souviens de ces sketchs aussi, de ces tout premiers sketchs, quoi. Bien sûr. Les canards, je sais pas s'il le fait encore sur scène. Enfin, il le fait encore. Hein, c'est peut-être encore aussi comme. Il le fait pas aussi long. Il coupe avec le sel. Enfin, il fait un. C'était un de ces incontournables. Voilà. Peut-être qu'il ne peut pas zapper quand il fait un spectacle, là, forcément. Ouais, ouais. Donc Dominique. Johnny. Dominique, tu es prêt pour nous interpréter donc en live. Oui. Une chanson bien sûr donc qui s'intitule aux quatre coins de la terre. C'est tout bien à ça, fait. Hein, aux quatre coins de la terre. C'est une chanson que j'ai interprétée pendant un moment sur scène. Et puis j'ai participé à un festival de chorale à Saint-Dié il n'y a pas longtemps aussi. Donc je la mets de temps en temps en place comme ça pour dire que. On l'envoie tout de suite alors. Ah ben on y va. On y va. On y va. Voilà, c'est parti. J'ai acheté de belles chaussures qui m'emmèneront jusqu'à l'usure aux quatre coins de la terre, par pluie ou par temps clair. Tremper mes pieds au bas de la montagne dans un lac endormi au léger clapotis, loin de tous mes soucis. J'ai acheté un beau chapeau qui me fera croire que je suis beau aux quatre coins de la terre, par pluie ou par temps clair. Pour m'abriter des branches mouillées, me protégeant du froid et du soleil parfois, loin de tout mon désarroi. J'ai acheté un sac à dos, c'est pour trimballer tout mon petit fardeau aux quatre coins de la terre, par pluie ou par temps clair, sans oublier fourchette et couteau. Adieu repas d'affaires, je m'en vais prendre l'air loin de tous les courants d'air. J'ai acheté un cheval tout beau J'ai fait ferrer ces quatre sabots pour voyager en l'air d'ici jusqu'à la mer. Je mêlerai mon souffle à ce vent nouveau, galoper sur les dunes et dormir sous la lune, et puis chanter ici haut, et puis chanter ici haut. Bravo. Bravo, bravo, Dominique. Voilà. C'est bien, c'est sympa comme ça. Oui, ah, oui, c'est sympa. C'est sympa, je dirais. C'est un petit live, ah, c'est, ouais, bien. Ouais, c'est bien. Ça fait bien, ouais, c'est bien. Alors, cette guitare que tu as là, bon, je pense que c'est plus la même, puisque la première, tu l'avais achetée à Gérard May. Oui, une Royale. Une Royale. Alors, cette guitare que j'avais achetée à Gérard May, ça a été la première. Puis je l'ai revendue. J'ai racheté une autre guitare 12 cordes, parce que j'aime bien la jouer à la 12 cordes. Et puis, j'en ai revendue, j'en ai racheté. D'accord. Aujourd'hui, j'en ai une douzaine. J'ai une douzaine de guitares. J'en ai chez mes enfants. J'ai mon fils qui est à Bordeaux, il a deux guitares. J'ai ma fille qui est à Strasbourg, elle a deux guitares. Il y a les petits enfants qui arrivent, je vais leur redonner des guitares. Ouais. Je leur donne. Je sais plus quoi en faire, moi. et puis, la guitare que j'ai en main actuellement est une guitare que je rêvais d'avoir depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Alors, c'est la guitare d'Elvis Presley. Oh. Bah, il continue à faire marronner, Dominique. C'est la guitare. J'aurais pas dû en parler. De George Harrison. Ouais. Hein, des Beatles. Là, d'accord. C'est la guitare de Bob Marley. Ah oui. C'est la mienne. Ouais. Mais j'ai mis jusqu'au mois de février l'année dernière pour l'acheter. Pour l'acheter, d'accord. Voilà. Et elle vient du Montana. Elle vient du Montana, directement. Et c'est, je sais pas ce qui se passe là-dedans. Ça broye un peu. Ah, c'est l'heure des infos. C'est bon, j'ai répondu. Ah d'accord, c'est toi qui fais le bazar là. Je passe par là. Et donc, j'ai oublié de mettre sur. Pendant que je parle de la guitare d'Elvis Presley, il ose. Non, Dominique, je t'en prie, vas-y, continue. Il est parti. Et donc cette guitare, j'en rêvais. Au décès de Johnny, il y a trois guitaristes, des guitaristes qui ont chanté à la Madeleine. Oui, à la Madeleine. Sur ces guitares-là. D'accord. Sur cette guitare-là aussi. Ouais. Donc, puis je me suis dit, un jour, il faut quand même que je me l'achète. Voilà. Alors j'ai revendu trois guitares. Ouais. Pour pouvoir me l'acheter. T'avais du stock. J'avais du stock. J'en ai revendu trois pour pouvoir me l'acheter. D'accord. Et depuis que je l'ai, je joue dessus en permanence. Ouais. Bon, j'ai encore ma très très belle 12 cordes Ovation à Damas, qui est une guitare en carbone et que j'utilise, qu'on me voit tout le temps sur scène avec. D'accord. Sur scène, tu n'utilises pas cette guitare ? Si, des fois. Non, d'accord. OK. Non, okay. Je ne l'ai jamais utilisée sur scène. J'utilise la 12 cordes parce que souvent, quand je chante seul, une 12 cordes, ça a beaucoup plus d'ampleur. Okay. Voilà, ça c'est ma guitare de répétition, et pour ce soir, pour aller jouer du jazz avec des copains, mais ça c'est, d'accord, c'est à part. Voilà. Mais elle est très belle. Elle est très belle, et donc j'ai composé une chanson pour cette guitare-là. Pour cette guitare-là. Voilà, qui s'appelle Secret Caché. Secret Caché, ah oui. C'est une chanson d'amour. Oui. Et le clip est en cours d'accord, de tournage. Oui, donc vous aurez écouté, elle était sur la playlist. Vous aurez des nouvelles avec le clip. Alors donc, on va. On l'écoute. On enchaîne avec Secret Caché. Oui, Secret Caché. Secret Caché. C'est parti. J'avais rêvé d'elle entre mes bras. Je croyais bien que ça n'arriverait pas. Et je voyais le temps passer sans elle. Elle était née au temps des belles années. Maintenant elle est là pour une éternité. Elle en a fait tourner des têtes sans peine. Et le rêve est devenu réalité, comme un chef qui décroche son étoile. Et mon cœur n'a plus cessé de vibrer contre son corps en érable flammé. Elle vient de si loin, en plein cœur du Montana, Elle a fait le voyage uniquement pour moi. J'avais tellement envie d'elle. Oui, c'était mon secret caché. Pour elle et moi maintenant, le temps est à rattraper. Sa famille est si grande, tout éparpillé. Ça résonne le blues, le rock, la country et tout autour de la terre, même au ciel. Oui, car Dieu a offert à Elvis Presley, à George Harrison et Johnny Hallyday, et ces tables d'érable flammées qui résonnent. Et le rêve est devenu réalité, comme un chef qui décroche son étoile, et mon cœur n'a plus cessé de vibrer contre son corps en érable flammé. Elle vient de si loin, en plein cœur du Montana. Elle a fait le voyage uniquement pour moi. J'avais tellement envie d'elle. Oui, c'était mon secret caché. Pour elle et moi maintenant, le temps est à rattraper. Elle et moi. Elle et moi. Voilà. Merci Dominique pour cela. J'ai couru un petit peu. Mais pourquoi, il ne marchait plus? Non, il y avait un petit souci. Donc, mon ami Lynn m'avait signalé que ça s'était arrêté. Ça avait arrêté. Sauté, oui, parce que normalement, ça s'arrête tous les 20 minutes. Ça. Ah non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, parce que sur nos samedis musicaux, j'avais fait 2 heures. Ah bah c'est moi qui le trouble, le truc là. Mais hein. Je ne sais pas où est-ce que c'est le petit coup de fil qui a sonné tout à l'heure qui a fait que, je ne sais pas. J'ai remis en route. D'accord, bah, c'est bien. Voilà. Voilà. Eh ben merci Dominique. Mais avec grand plaisir, voilà quelque chose de réglé. Alors donc, oui, et cette chanson, elle est sur ma nouvelle clé USB que j'ai sortie pour voilà, voilà, donc on va en parler donc Dominique, de cette clé USB. Mmh. Alors je trouve que c'est une belle idée. Oui. Hein, bah. On en a parlé un petit peu en aparté tout à l'heure en début d'émission, donc c'est vrai que nos voitures ne sont plus équipées. Bah aujourd'hui. Pour la plupart de postes CD. Le CD, il va arriver au bout. Hein. On le sait très bien, on le sait pertinemment. Alors après, faut faire partie des majors, ce qu'on appelle les majors, c'est Sony, c'est toutes ces sociétés qui font de la distribution. Oui, oui. Et ces sociétés-là, moi, j'en fais pas partie puisque j'ai jamais cherché à en faire partie. Donc résultat. Quand on ne fait pas partie de ça, eh ben, major, on est en autonome. Oui. Et ben, ma foi, je ne suis pas sur les trucs de téléchargement. Uniquement sur YouTube, bien entendu. Sur YouTube, on peut m'avoir. Voilà. Alors, je me suis dit, ben, la solution, c'est de faire une clé USB. Pourquoi faire un double ou triple album sur tout ce que tu as fait pour mettre toutes tes chansons, ou du moins les meilleures. Oui, c'est vrai qu'un best-of, par exemple, un best-of. Oui, un best-of ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, et puis je me suis dit, ben, une clé USB, c'est la meilleure solution. Et sur la clé USB, ben, il y a quand même 34 chansons. Oui. Mm-hmm. 34 chansons et il y a 14 clips en haute définition. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, ce qui permet, parce que maintenant, les postes de télé, écran en plat. Oui. On branche derrière sur la clé USB. Vous allez rechercher le fournisseur d'accès. Tac, vous tombez sur le truc. Puis vous regardez mes films, vous écoutez ma musique bien sur la télé directement. Oui, ça, oui. Et puis dans la voiture, on branche et ça marche. Ça voilà, marche, ça marche très très bien. D'accord. Voilà. Okay. Alors, comment peut-on cela procurer cette clé Dominique, c'est très très simple. Parce qu'on est là aussi pour la promo. Hein. Voilà, voilà. Alors, maintenant, mais la clé USB, c'est simple. Il faut par Facebook déjà. On m'envoie. Il y a des tas de gens qui m'envoient par Messenger. Par Messenger. Une demande, ouais, bien sûr. Je leur donne l'adresse, je peux la donner là, c'est l'association DW, Dominique Walter DW, association DW, 72 boulevard de Saint-Dié, à Gérardmer. Et mon association se charge, à réception d'un chèque de 30 euros, puisque la clé USB coûte 30 euros, à réception de vous l'envoyer dans la semaine, de vous envoyer la clé USB à votre domicile, que vous soyez en Chine, en Alsace ou à côté de chez moi. À côté. Alors moi j'ai une petite question. Ouais. Oui. Elle a dédicace. Tu la mets où sur la clé? Alors, il y a des tas de gens qui m'ont dit. Non, ben vrai. Il y a des tas de gens qui m'ont dit, non. Effectivement, la dédicace, elle se met où? Mais moi, il n'y a pas de souci. Quand, par exemple, je suis en spectacle et que j'ai les gens qui viennent m'acheter la clé USB, je leur signe une carte. Petite photo, bien sûr. Oui, alors, oui, c'est oui. Une photo. Quand on m'envoie par mail ou par Messenger une commande, je renvoie la clé USB avec une photo. Avec une photo, bien ne sûr. Ne vous oui. inquiétez pas, vous aurez ma tronche avec vous. Mais voilà, non, mais. Je voulais faire un tout petit peu oui, d'humour. Parce voilà. qu'il ne faut pas oublier que. Un CD. Oui. Moi, j'ai vu dans quel état mes copains qui ont mes CD oui. sont dans leur voiture. Ah bah ça oui. Ils sont fracassés. fois, il n'y a même plus ma photo. Oui. Hein? C'est vrai, il y en a qui sont pas, comment je veux dire. Donc on se donne du mal pourquoi là? Exactement. Ouais, bon. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une superbe idée. Voilà, c'est une superbe idée. Super d'ailleurs, idée, ouais. La Société des auteurs-compositeurs m'a dit que, hormis les sociétés qui font des clés USB pour leur quand ils font des réunions, etc., tout ça, etc., ouais, etc. Oui, des choses, ont quelques musiques qui sont établies sur la clé USB, mais avec des discours et des machins. Mais autrement, en tant qu'auteur-compositeur, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui le fait. Mais ça va venir. Oui, hein. oui. Je le sens, ça va le venir. Ah, j'ai déjà entendu parler, de par différentes émissions, je ne sais pas s'il y a un... J'ai déjà entendu parler de cette façon de faire. Ça va venir. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les CD... Bon, maintenant, il faut avoir de la matière. Parce que moi, j'ai quand même un paquet de chansons derrière pour pouvoir mettre. Si vous avez un ou deux succès, vous allez... C'est le CD qu'il faut faire. Oui. Vous n'allez pas mettre une clé USB pour deux chansons. Deux chansons, voilà. S'il y a juste quatre chansons, on fait un petit EP. Voilà. Puis c'est tandis c'est que là, quoi. Vous avez du Walter, mais vous en aurez marre. Mais vous en aurez marre. Non mais je pense que c'est agréable à écouter. Alors non, mais je dis sincèrement, c'est agréable à écouter. Et, merci. Et comme je te disais en aparté, c'est vrai que ça me fait plaisir de recevoir aujourd'hui un artiste vosgien de notre région. Oui. Alors après, bien sûr, j'ai toujours plaisir à recevoir des artistes de différents horizons. Bah, bien entendu. Mais bien sûr, c'est vrai que c'est un des premiers artistes de la région. J'ai peut-être oublié, mais. Voilà, on n'est pas beaucoup, il y a pas beaucoup. Il y a Philippe Roussel pour les enfants. Pour les enfants, oui. Bah, Philippe, il est venu régulièrement. Oui. On n'est pas énorme, hein, c'est pas gigantesque. Philippe Roussel, lui, il a aussi du stock. Hein, il pourrait mettre tout ça sur une clé USB. Oui, il a pas mal de choses pour les enfants. Hein, tout quand, ça, quand je l'aurai, je lui dirai. Oui. Mettre ça sur une clé USB, c'est pas la tête. D'accord. Bon, alors je pense que tu nous as apporté des petites photos. Oui, j'ai des photos à dédicacer. Je suis obligé de me balader un peu avec. Hein, j'en ai dans ma voiture, faut toujours que j'en ai. Quoi, voilà. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien qu'on écoute quand même les Vosgiennes. Bah, allez, rigolons. Rigolons. Il faut, ça c'est... Bah, de toute façon, je pense que les pour Vosgiennes... toi, comme on disait tout à l'heure pour Claude, les canards, sketch, c'est un incontournable. Je pense aussi pour toi. Elle date de quelle année, cette chanson, Dominique? Elle date d'il y a très longtemps, parce que j'avais même rencontré quelqu'un qui connaissait très bien Jean Ferrat. Et Jean Ferrat avait dit à ce monsieur, « Ah, mais c'est ce monsieur-là qui a fait une super parodie rigolote sur mon truc. J'aimerais bien avoir une dédicace. » D'accord. Et donc, j'ai donné à ce monsieur, pour Jean Ferrat, dédicace. D'accord. Ce qui veut dire que ce monsieur... Jean Ferrat était un grand monsieur, puisque l'humour l'accompagnait. Exactement, voilà. Voilà, tout simplement. Ouais. Et certaines personnes disent, « Oh, cette chanson-là, quand on se pense à la montagne de Jean Ferrat, lui-même, il avait trouvé il avait positif. » Voilà. Parce qu'il faut savoir que la chanson de Jean Ferrat, « La montagne », est une des chansons les plus parodiées qui existent. Ah, d'accord. Il y a des tas de paroles dessus, parce qu'elle est très facile à mettre des paroles et à mettre en œuvre. Oui, et donc, elle a été parodiée dans tous les sens. Oui, mais les Vosgiennes... Là, c'est le top. Jean Ferrat, c'était la montagne. Nous, dans les Vosges, c'est la belle montagne aussi. Oui. Voilà. Et puis, les Vosgiennes. Les Vosgiennes. Et voilà. Allez, on écoute les Vosgiennes. Bon, allez, les Vosgiennes, maintenant. Ils viennent de Saint-Dié, de la Bresse ou de Gérardmer. Les excités de la montagne. Le froid n'est pas près de les congeler. À la Mirabelle, ils se sont damnés. C'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires, car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho, pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher, le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez, et tout le bazar est animé, ça élimine la matière grasse. Pas être excité quand tombe culotte et jartelle, tous les moineaux se mettent à chanter. Le dimanche arrive à grands pas, après la bouffe, la gueule de bois, il faut éliminer les scories. Alors on va écouter le brame du cerf, car dans la soirée de toute manière, ça peut redonner des envies. Alors on coince maman derrière le tas de bois, et quand elle a fait pipi pourra, on a droit encore à une partie. Mais la tête ne commande plus les pieds, on a l'intestin fort déréglé, quand on a bouffé trop de lentilles. Être excité quand tombe culotte et jartelle, tous les moineaux se mettent à monter. Là. On reprend, voilà les Vosgiennes, que les Vosgiennes sont belles. Et sympa cette chanson. Ouais. Alors, on va dire un petit peu coquin. Ah oui, un peu coquin. Un peu coquin, mais bon, sans vulgarité, c'est vrai. Un peu coquin et cocasse. Mais ça fait partie du jeu. Puis de toute façon, je ne serais pas connu s'il n'y avait pas eu cette chanson-là. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est quand même la base. Hein. C'est vraiment une base indéniable. Hein. Et les gens me la demandent. Je veux dire, maintenant, elle n'est plus au répertoire. Oui. Quand je suis en spectacle, elle n'est plus au répertoire. Sauf quand je suis tout seul, je la chante, si je fais un gala tout seul. Mais si je suis avec Claude, pour raccourcir un peu, on est passé à la chanson des amis pour une chanson que j'ai fait pour Claude aussi. Oui. Et donc, si vous voulez, après, bah, voilà, c'est, il arrive un moment, elle fatigue. Mais il y a des fois, les gens qui se lèvent et puis ils ne veulent pas partir tant qu'ils ne l'ont pas. Alors là, il faut. Le public qui est le chef. Hein. Bien sûr. Alors, peut-être, on pourrait peut-être livrer encore une petite anecdote. Allons-y. Dominique, hein, Je lis un petit peu sur donc ensemble nous avons eu quelques surprises lors de nos nombreuses tournées, comme ce régisseur de son en Moselle, ouais, qui a mis 2 heures pour faire la balance de la voix de Claude. Ah, j'ai failli. En général 15 minutes. Et c'est fait. Ah oui. Ouais. Ah, là c'est terrible parce que ce garçon-là, il avait une table numérique. Il savait déjà pas s'en servir. Aïe. Oui. Et il venait de l'avoir. Je ne savais pas s'en servir. Donc, au début, je ne comprenais pas. Claude s'est gosillé. C'était sous un chapiteau. Il y avait 500 personnes et il y avait déjà des gens qui étaient à l'entrée du chapiteau. D'accord. Et on n'avait pas mangé. Et au bout de 3 quarts d'heure, peut-être, j'ai dit, non, mais il arrive un moment, je vais bouger les boutons, c'est moi qui vais m'en occuper. Oui, qui... Alors, je suis allé bouger les boutons, faire ce qu'il y avait à faire, comprendre, bon. Et puis je repartais sur la scène. Oui. Ils me rechangeaient les boutons. Et ça distorsionnait, ça faisait du boucan. Je dis, mais je comprends pas que là-bas, ça fait rien. Je reviens, je recommence une fois, deux fois, trois fois. La dernière fois, je lui ai dit, écoute, mon gars, c'est simple. Tu bouges encore un bouton. Ah, tu touches. D'accord. Toi, tu n'existes plus. Oui. Je te pulvérise. Alors, le gars, il était là, il me disait, mais pourquoi, pourquoi mais... Parce que dès que tu bouges le bouton là, tu me fous du médium et ça fait de l'arsène. Claude, il est fatigué, il a la voix qui est fatiguée à cause de tes conneries là. Ouais, ouais. C'est... Excusez-moi, hein, je parle. Non, non, mais. Je parle comme... Ça m'énerve déjà. Rien d'y penser, je m'énerve. J'aurais peut-être pas dû choisir l'anecdote. Et on s'est rendu compte après que ce monsieur n'entendait pas les médiums. Il rajoutait les médiums, il était sourd. Des oreilles pour les médiums. Il rajoutait les médiums pensant qu'il n'y avait rien. D'accord. Il n'entendait pas le l'arsène qui circulait et qui faisait mal aux oreilles à tout le monde, pénible. Sauf à lui. D'accord, d'accord. Voilà l'aventure. Ah, voilà l'aventure. Ouais. Ouh, il n'est pas passé loin celui-là. Oui, oui. Bon, bon, celle-là un petit peu moins. Elle est moins rigolote, celle-là. Un peu moins rigolote. Hein, on en verra une autre un peu plus tard. peut-être plus rigolote. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, Dominique, on a fait, enfin on a encore un petit peu le temps, on a fait le tour un petit peu voilà de toute ta carrière. Oui, bah c'est, donc c'est hein, bien. On rappelle 117 chansons. Oui, mais hein, j'en ai pas, j'ai pas édité 117 chansons. Oui, hein, j'en oui, ai mais édité enfin, peut-être tu as 80. Oui, oui, j'en tu as écrit 117 chansons et puis de nombreux CD. Oui, bien sûr. CD, DVD aussi. DVD, oui. DVD, hein, bien sûr. Bah oui, il y a des DVD, toutes les images de mes chansons, c'est tous mes clips, et maintenant qu'on retrouve sur la clé USB. Voilà. Il y a le DVD avec Claude à la Maison de la Culture, à l'Olympia. Il y en a un autre que j'ai enregistré en solo avec mes anciens sketchs. Alors là, celui-là, je crois qu'il est même plus édité. Non, là, l'association ne peut plus en avoir. Enfin bon, j'en ai sorti un certain nombre. Oui, tout à fait. Oui. Alors, la toute première scène avec Claude Vanoni. Oui, c'était, je m'en rappelle très bien, ça se passait à Saint-Dié. Oui. C'est la salle Georges Sadoul. Et c'est moi qui brûlais les planches, c'est moi donc qui arrive en scène, oui, c'est comme ça qu'on dit, le petit jeune, et enfin le petit jeune, il faut voir ça, hein. Mais enfin à l'époque oui, oui. Ah, oui quand même. un peu plus, je suis arrivé sur scène et j'ai fait mon spectacle, et puis ça a bien marché. D'accord, ça, mais ça est-ce que là, par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, est-ce que là il y avait une pression, il y avait quelque chose, il y avait un stress sachant que bon ben Claude bien sûr était déjà bien connu à ce moment-là. Oui, il y avait du monde, il y avait du monde, je suppose, voilà. Mais je me rappelle pas avoir été. Je me rappelle surtout que les gens, ils avaient rigolé comme des fous à mes bêtises parce que j'avais fait les Vosgiennes et puis d'autres chansons rigolotes. Et puis j'avais fait une reprise aussi d'une chanson connue. Je sais plus laquelle aujourd'hui. Je pourrais plus le dire, mais en tout cas toute la salle avait chanté. Oui, c'était peut-être un Joe Dassin ou un. Ah oui, il me semble que c'était. Je l'ai vu près d'un laurier, la blanche brebis, patati patata. Et là tout le monde faisait etc. Siffler sur la colline. Et j'ai terminé avec celle-là. Ouais. Et les autres disaient encore une autre. Moi, je me suis barré avec l'autre derrière. Hein. Il y a le chef derrière. Le chef. Donc, ça durait, la première partie durait à ce moment-là. Ça a duré trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure, trois quarts d'heure, j'ai joué. Donc, ben oui. Donc, là, ça y est. Mais à l'époque, Claude et moi, on s'est retrouvés là, comme ça, par hasard, mais on se connaissait tout juste. Tout juste. D'accord. Rien n'avait été fait, j'avais pas encore écrit des chansons pour lui, rien. Oui, bien sûr. Voilà. Okay. Voilà. Alors, on va entendre une belle chanson, la chanson des amis. Oui, hein, avec plaisir. C'est une belle chanson, ça. Oui. Hein, voilà. On écoute, et puis tu nous en redis un petit mot après. Ah ben voilà. D'accord, on écoute. C'est une belle histoire pleine d'amitié. Que de saltimbanques aux rires enchantés, et de sales en scène tout au gré du vent, ils amusent et s'amusent comme des enfants. Ce sont de poètes tout à leur façon, et ils se complètent tout à l'unisson, un conteur d'histoire et un chanteur de vie. Ils amusent et s'amusent jusqu'au bout de la nuit. C'est à prendre et à partager. Tel est ce beau métier. car demain est un autre jour, ailleurs nous rejouerons notre tour. C'est une belle histoire pour un harmonica et une guitare par son jeu de doigts. Une belle rencontre tout en harmonie qui amuse et s'amuse jusqu'au bout de la nuit. C'est à prendre et à partager, tel est ce beau métier. Car demain est un autre jour, ailleurs nous rejouerons notre tour. L'artiste rêve de relever des défis quand les mains se lèvent pour leur grain de folie. C'est le cadeau du cœur qu'il faut entretenir. Comme dit le conteur, c'est la chanson des amis. Comme dit le chanteur, c'est pour vous aussi. La chanson des amis. Dominique, voilà. Et on vient d'écouter Dominique qui est avec nous, toujours, hein, sur les ondes de Radio Guémozo. Ouais. Ça nous fait plaisir d'être avec toi, de partager ces belles... Moi de même, pas de problème. Bah ouais. Alors voilà, donc on a écouté La Chanson des Amis, une très belle chanson. Voilà. Je sais faire des belles chansons. Ah oui, non mais je ne donnais pas... Des chansons douces, des chansons agréables. Des chansons agréables. Je suis éclectique. C'est bien, ça voilà. C'est bien. Ça, c'est... je pense qu'on va pas s'ennuyer. Je veux dire, la personne qui va avoir ta clé USB avec toutes ces chansons. Oui. Hein, je dirais comme tu dis, tu es éclectique. Ah, je n'ai que des retours de gens qui me disent, elle tourne en boucle. C'est trop bien, on rentre dans la voiture, on vous entend, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. J'ai vraiment des gens de bienveillance, c'est vraiment super sympa, donc bien sûr, c'est une récompense. Ben ah, 60 et quelques balais, c'est bien. Bah oui. Alors, on livre une petite anecdote encore. Ah, j'aime sûr. Bien, moi. Bah, allez, roulons. Alors, cette petite anecdote là, où vous jouez dans une scierie, oh là là. Au mois de mai, oh là là. Il faisait 9 degrés. En fait, je te laisse continuer. On devait jouer dans une salle des fêtes qui avait 300 personnes. Or, il y avait 500 réservations. Ouais. L'organisateur se dit, au mois de mai, ça peut le faire. On va aller jouer, on va mettre les chaises dans une scierie qui est à côté, qui sert en tant que salle de spectacle en général, mais en plein air, quoi. Oui. Et on va mettre les 500 là, et puis on va bâcher un côté. Mais il restait quand même toute la longueur de la scierie qui était ouverte. Oui. Alors, c'est une scierie désaffectée. Hein. C'était pas la scierie des grandes gueules. Non, c'est pas. Elle a bien cramé, celle-là. Elle a bien cramé. Mais seulement la température est descendue à 9 degrés. Ah oui. Donc, on a joué, quand même, de la buée. Moi, j'avais les doigts qui collaient après les manches de la guitare. Ouais, ouais. Et à l'entracte, les gens sont partis chez eux, sont allés chercher des couvertures, des bonnets, des gants, des plaids. Et ils sont tous revenus. Et on a fait le spectacle jusqu'au bout. C'était notre dernier spectacle de 2013 ou 14, je ne sais plus. D'accord. C'était notre dernier spectacle de la saison. Et on l'a fait dans des conditions pas possibles. Pas possible, oui. Pas possible. D'accord. Et voilà, donc ça, c'était vraiment un grand moment. On a envie des choses, hein, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a pas que l'Olympia où on est chouchouté avec des bouquets de fleurs et des pots de bonbons. Non. C'est pas pareil. Hein. Mais vous avez des bouquets de fleurs quand même. Est-ce que les gens apportent quelques choses ça arrive. On a des nounours, des bouquets de fleurs, des bricoles comme ça. Je pense à ça, je pense à Franck Michel, je pense que tu connais. Oui, bien sûr. Il a dû ouvrir une ourserie, lui. Ah oui. Non, nous, on a de temps en temps. La dernière fois, c'est des paniers garnis qu'on nous offre. Quand on est allé jouer en Bretagne, c'était un beau panier garni de la région. C'est vraiment sympathique, très gentil de la part des organisateurs. Ouais. Donc bien sûr des spectateurs qui viennent un petit peu de toute la France en fait hein, dans ces concerts-là. La plupart à l'Olympia, oui, mais autrement, c'est des gens du pays hein, quand oui, même. Si on est à Châlons-en-Champagne, ça va être des championnats. En Alzace. Oui, on va jouer. On joue régulièrement. On va rejouer à Mutzig là. On a joué aussi à Colmar plusieurs fois. Oui, on joue en Alsace. Autre temps, on joue en Alsace. Alors, pour à la fin, on refait le schnorkel. D'accord. J'ai demandé ça justement parce que j'entends sonner, je ne sais pas si c'est, mais j'ai une cousine d'Alsace qui est donc en formation. Elle m'a dit qu'elle viendrait faire un petit coucou. Alors je viens d'entendre sonner, je crois que c'est ça. Je vais parler un petit peu des Alsaciennes. Voilà. Non, mais bon. Ouais, mais que les Alsaciennes sont belles. Voilà, on pourrait à la limite. Hein. Que les Alsaciennes sont belles. Ça peut le faire. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors. On va écouter une belle chanson aussi que tu as écrit Dominique pour ta maman. En hommage à ma maman. En hommage à ta maman trop tôt, qui est disparue. Voilà. Trop tôt, ok. Ouais, ouais. Et qui s'appelle Et maman. Et c'est maman. Une chanson que je vous invite à écouter et à regarder également sur YouTube puisque j'ai eu la possibilité d'enregistrer cette chanson. Dans une maison qui appartenait à mon arrière-grand-père et sur laquelle maman a joué sur le piano à queue. D'accord. Donc c'est le piano sur lequel elle a joué et que je joue également. Voilà. D'accord. Alors on s'écoute Hey maman. Tout à fait. Merci. Ni les mauvais vents. Voilà, et maman. Dominique, on vient d'écouter. Tout à fait, oui. J'étais en train de réécrire à Vanoni. Oui, d'accord. de lui faire un petit coucou. Tout à fait. Et puis faire une petite photo. Voilà, tout à fait. Hein, parce que, bon, voilà, il y a Claude était ce matin sur une autre radio. Voilà. Dominique, oui. Aujourd'hui, est avec nous. Voilà, je bois de la Mirabelle. En boîte à Mirabelle. Et puis donc voilà, c'est formidable. Pour les Canadiens, enfin pour les Québécois. Pour les Québécois. Ah, mais j'ai trop du cul et tarte aux pommes. pour les Québécois, la Mirabelle est un alcool extrêmement puissant fait à base de Mirabelle. Voilà, tout simplement. Mais là, c'est de l'eau. D'accord. Bon, chez Radio Gamozo, la Mirabelle. Bon, alors. On a de l'eau, bon, c'est sûr. On a de l'eau, c'est déjà pas mal. Écoute, Dominique, si on avait fait ça à la Mirabelle, je ne sais pas si on aurait pu aller jusqu'au bout de l'émission, je ne sais pas trop, mais bon. Oui, c'est vrai. Ça aurait peut-être chauffé un petit peu. Voilà. Ça ferait chauffer la bestiole, oui. Dans les chaumières, comme on pourrait dire chez nous, c'est vrai que... Alors, on fait un peu de rab, on fait un peu de rab pour vous. Oh, voilà, on fait un petit peu de... Notre chef technicien nous a autorisé à dépasser un peu l'horaire, et puis voilà, c'est bien. Donc, moi, je me permettrai une petite chose, juste... je voudrais remercier Marc. Pour toutes les émissions qu'on a fait ensemble, merci d'avoir été là, toujours, et puis comme je disais, des fois en dehors de ma grille d'émissions, hein, c'est vrai qu'à chaque fois que je t'ai demandé, tu as toujours été présent, et puis je voulais te souhaiter aussi plein de bonnes choses pour tes futurs projets, voilà, je tenais à le dire à l'antenne. Oh oui, bravo Marc. Merci pour tout, c'est gentil. Merci, mais c'est normal. Et puis de toute façon, ce n'est qu'un au revoir. Oui, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Voilà. Donc Dominique, oui, je disais, alors ouais, on a fait le tour un peu de toute ta carrière, hein, voilà, on a parlé un peu de la carrière professionnelle, on a parlé bon, bien sûr de la carrière artistique, etc. Voilà, et puis ça continue, ça va continuer. On continue, bien sûr. Tant que les gens nous veulent, c'est bien, que le public est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets de nouvelles chansons, par exemple? Oui, c'est en cours. Oui, c'est en cours. Mais je m'arrête jamais. Oui, mais je dois avoir un cahier qui est rempli de textes bizarroïdes depuis l'âge de 18 ans. Il faut que je trie là-dedans. De temps en temps, quand je suis un petit peu en panne, je vais chercher dans mes textes plus anciens. Oui. Et puis, je découvre des petites choses, donc je les mets en musique, et voilà. Ouais. Et puis, le monde évolue avec le monde de la musique évolue avec des choses tellement différentes de ce que j'ai appris quand j'avais 17 ans, 18 ans, que là aujourd'hui on est complètement dans un autre monde. Alors évidemment, je pourrais faire de la musique et des chansons uniquement pour des gens d'un certain âge ou des gens d'une certaine qui aiment un certain style, etc. Mais j'y arrive pas. Moi, je suis trop éclectique. J'aime du jour au lendemain, je peux faire du jazz comme du rock comme du blues comme de la musique classique, comme je vous ai expliqué. Ouais. Donc c'est comme ça. C'est comme une femme quand elle doit accoucher. Moi, c'est pareil. D'accord. Faut foutre la paix le jour là. Le jour là, il faut que je sorte ma chanson. Comme tu composes, tout ça, il faut que tu sois tranquille, ce qui est normal. Voilà. Tout à fait, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Voilà. voilà. il faut que ça se fasse. Alors, on parlait tout à l'heure de tes premières fonctions, enfin, de ton premier travail dans le milieu professionnel. Hein, oui. Voilà. On a parlé de tout ça et il y a une chanson. Ouais. Donc je pense qu'il se rapporte à ce dont tu nous as parlé. Et que je chante en gala. Et que tu chantes en gala, d'accord, qui s'intitule Le Coton. Sur la musique de Pierre Bachelet. Sur la musique de Pierre Bachelet. Corons. Des corons. Voilà, tout à fait. Donc on peut écouter bien sûr Le Coton. Avec Coton, plaisir. Le Coton, voilà. Au nord, y avait les corons, mais à l'est, c'était le coton. Du travail, plus que de raison, les hommes tisseront pour de bon. Pendant un siècle et demi, ce monde s'est développé, se blottissant dans les vallées. Ils venaient de la montagne, ces hommes des campagnes, qui ont fait que les Vosges gagnent. Des blanchiments surpris, autour de Gérardmer, un univers immaculé. Malgré les guerres des fous et la rigueur des coups, le pays s'est remis debout. Au nord, il y avait les corons. À l'est, c'était le coton. Du travail, plus que de raison. Les hommes tisseront pour de bon. Cheminées de briques rouges, dépassant de la verdure, partage d'usine et de nature. Filature et turbine, motricité, machine, on ne pensait jamais à la Chine. Mais le monde a bougé et les temps ont changé. Arrêt des métiers à tisser. Chapeau à ceux qui restent, pas le temps à la paresse. C'est le savoir-faire des gens de l'Est. Au nord, il y avait les corons. À l'Est, c'était le coton. Plus que de raison, les hommes tisseront pour de bon. C'est Corvias Saint-Vosgien, et ça n'a peur de rien, et l'on préparera demain. Notre histoire est ancrée, elle est à partager, à raconter et à chanter. Et là dans mon pays, à chaque soleil joli, autant des fleurs et de la neige aussi. Ils arrivent de partout, elles s'arrêtent chez nous, car c'est si beau, ça vaut le coup. Il y avait les corons. À l'est, c'était le coton. Du travail, plus que de raison. Les hommes tisseront pour de bon. Du travail, plus que de raison. Les hommes tisseront pour de bon. Le coton. Voilà. Le coton. Hommage au textile vosgien. Hommage au textile vosgien dont voilà. Tu as parlé tout à l'heure en début d'émission. Ouais, voilà. Une belle chanson encore, donc voilà, que c'est une chanson de Pierre Bachelet, hein, les corons. Voilà. Tout à fait, oui. Et elle plaît beaucoup. C'est oui, aussi. Et ça touche, comme tu disais, les personnes qui étaient dans ce. Alors c'est pareil, je vous invite à regarder à chaque fois, je vous le dis, parce que quand il y a un clip qui est tourné sur des sujets importants comme celui-ci, je le dis, je le signale sur la chaîne YouTube, vous avez ce clip qui a été réalisé dans l'usine de mes grands-parents à Granges. Oui. Et également au musée textile de Ventron. D'accord. Voilà. Mmh. Ils m'ont donné l'autorisation de venir filmer, de pouvoir filmer. Voilà. Et donc j'ai pu filmer dans les deux endroits là ce clip. D'accord. Oui, bon, je pense que c'est sûr que ça plaît forcément au public de la région qui ont connu tous ces. Il a beaucoup de vues, ce clip là. Tout à fait. Eh bien, Dominique, je te remercie d'être venu avec nous. On a bien causé. On en a raconté des trucs. Hein. Je regarde l'heure. C'est vrai. Oui, c'est vrai que Marc nous a donné l'autorisation de un petit peu plus loin. Oui, il y a la soupe pour la chauffer. Hein, après, il y a le poulet à l'électrique. Il faut le plumer. Après, je sais que donc tu repars vers un autre spectacle dans la soirée. Oui, c'est ça. Je vais faire un peu de jazz avec des copains. Avec des copains. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Un petit truc. truc privé, mais sympa. Donc, un grand merci à toi d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était un plaisir de te recevoir. Et c'est très sincère. Merci beaucoup. Merci à vous là-bas, hein, les amis de l'autre bout de la terre. Hein. Québec, Suisse, Italie, Belgique. On a eu un petit claque tout à l'heure. Ah bon, oui, mais ça c'est a pété, les aléas hein. du direct. La technique, hein, mon Dieu. C'est les aléas du direct. J'espère qu'on a pu reprendre. Et puis, mais bon, il y avait une bonne partie quand même déjà qui était passée. C'était bien. Voilà. On va bien sûr partager donc ça sur Facebook. Faut pas vous gêner. l'émission sera mise en dimanche. Podcast. C'est dimanche ou samedi, je sais pas. C'est rediffusé le dimanche à 18h. Ah oui, moi je suis déjà au lit parce que j'ai mangé ma soupe et puis après je vais au lit. Sur le 107 FM, le podcast est mis dans la soirée sur la page de notre radio que je repartagerai sur Facebook et elle a vu. Si tu veux repartager pour les gens qui te suivent. Je le ferai plutôt lundi parce que, je suis à Poirel dimanche. Chaque chose en son temps. Bien sûr. Merci Dominique de ton sourire et de ta sympathie. Puis bon concert donc à Nancy. Merci, on y va direct. Avec Claude et tout ça. Et puis, pas de problème. Bon, je transmets mes amitiés. Bon, on ne se connaît pas trop. Enfin, on ne se connaît pas, Claude, mais bon, ma foi, voilà. On transmet. Laisse-toi faire. D'accord, merci Dominique. Alors amis auditeurs, auditrices, je vous remercie d'avoir été présents sur cette émission Les Années Bonheur du jeudi. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Normalement, je devrais recevoir mon ami artiste Jean-François Valence. Merci Marc. Merci Sylvie. Les deux Sylvie d'avoir été présentes, c'est gentil. Merci à vous, je vous fais des bisous. Et à très bientôt. Bye bye à tous, portez-vous bien. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral.